téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1942, Jan Karski, témoin de l'innommable. L'homme d'une soixantaine d'années est assis devant la caméra, droit, digne dans son costume gris. Nous sommes à Washington en 1978. Jan Karski s'apprête à répondre à Claude Lanzmann, venu l'interviewer pour son film Shoah, consacré à l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. L'ancien diplomate polonais commence à parler, mais soudain les mots s'arrêtent. Cet homme de devoir n'est pas de ceux qui étalent leurs sentiments. Mais l'émotion est trop forte, il se lève brusquement et quitte la pièce. Il reviendra cependant à la caméra pour, encore une fois, témoigner de ce qu'il a vu en 1942 et que quasi personne, à l'époque, n'avait cru ou n'avait voulu croire. En 1942, Jan Karski fut, selon ses propres termes, le témoin oculaire de la politique allemande de l'extermination des Juifs d'Europe, qui réussit, au péril de sa vie, à quitter l'Europe occupée pour alerter le monde libre, jusqu'au président Roosevelt, l'homme le plus puissant de la planète. Mais en vain. Indifférence, incrédulité, rien ne fut tenté alors pour arrêter la machine de mort nazie. C'est l'histoire du combat de Jan Karski que je vais raconter ce soir, l'incroyable course contre la montre de cet homme seul qui tenta de dire l'innommable. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Annette Becker, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, professeure à l'université Paris-Nanterre. Alors comment se fait-il d'abord que la spécialiste de la Première Guerre mondiale que vous êtes vienne de publier un livre sur Raphaël Lemkin et sur Jan Karski, deux hommes qui pendant la Seconde Guerre mondiale ont pris la dimension du désastre qui était en train de se passer? Eh bien c'est à cause du mot « génocide ». Qui a été inventé justement pendant la Deuxième Guerre mondiale par Raphaël Lemkin. Mais Raphaël Lemkin, en fait, l'a inventé à partir de son expérience sur l'extermination des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale. Et j'ai voulu savoir comment cet homme, Lemkin, était passé de la Première à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, Jan d'une Karski... certaine façon, j'ai suivi son chemin. Et Jan Karski était un de ceux, beaucoup plus jeune, parce qu'il naît en 1914. Au début de la Première Guerre mondiale, donc il est encore un enfant, lui, pendant la Première Guerre mondiale, un tout petit enfant, lui devient, dans la Deuxième Guerre mondiale, un résistant. Un résistant tel qu'on les connaît dans la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que, alors qu'il est un patriote polonais, catholique, au moment d'effectuer une mission vers l'Angleterre, puis les États-Unis, deux pays dans la guerre, mais pays libres. Alliés de la Pologne. Et alliés, bien sûr, résistante. De la Pologne résistante, puisque le gouvernement en exil polonais est à Londres. À ce moment-là, au dernier moment, il va aller à deux endroits, dans le ghetto de Varsovie, où les Juifs sont affamés et sont, depuis l'été 42, déportés vers masse, le camp d'extermination de Treblinka, et puis vers un camp de transit qui s'appelle Izbica, où là, les Juifs attendent, si l'on peut dire, la mort dans le centre d'extermination de Belzec. Et comme il y a engorgement à Belzec, les chambres à gaz ne peuvent pas fonctionner assez vite, les nazis et leurs supplétifs largement ukrainiens sur place, eh bien, vont faire des cruautés contre les Juifs pour s'en débarrasser. Et c'est ça que va voir Jan Karski. Mais pour bien comprendre, pouvez-vous nous rappeler la situation de la Pologne là? Donc nous sommes en l'été 1942, la Pologne a été envahie dès le début donc la déclaration de guerre en septembre 1939. Envahie en 1939 et immédiatement la guerre a été perdue, mais par le pacte germano-soviétique, elle a été envahie du côté est par les soviétiques. Et occupé, et du côté ouest, et la plus grande partie, par les nazis. Mais en 1941, en juin 1941, donc un an auparavant, les nazis, par l'opération Barbarossa, sont rentrés en Union soviétique, ont déclaré la guerre à l'Union soviétique, et donc leur guerre commence dans la Pologne qui était occupée par les soviétiques depuis 1939. Et c'est là, sur cette ligne, que justement se trouve le plus grand nombre de juifs en Europe. Et donc immédiatement, dans l'est de la Pologne, et donc dans l'ouest de l'Union soviétique, c'est-à-dire en Biélorussie, en Ukraine, et dans les pays baltes qui étaient indépendants jusqu'à 1939, mais qui ont été, avec la Deuxième Guerre mondiale, un peu envahis par les soviétiques, et surtout à partir de 1941, énormément par les nazis, dans cette région, les juifs sont immédiatement exterminés par balles, en très grand nombre. Puis, assez rapidement, on commence à installer les centres d'extermination. Et c'est cela que va voir Jan Karski. Il va voir le passage de la mise en ghetto, de l'extermination par balle, à l'installation des centres de mise à mort, qui deviennent ce qu'on appellera par la suite des camps d'extermination. Mais qui ne sont pas vraiment des camps, parce qu'on n'y est pas installé pour rester, pour le travail forcé, pour les tortures. On y vient uniquement pour mourir. Tué, ouais. Et c'est cela que voit Jan Karski. Merci Annette Becker. On se retrouve, si vous voulez bien, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, 1942, Jan Karski, témoin de l'innommable. Un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Réalisation Christophe Hoquet. Que puis-je dire ? Je les écoute assis sur ma chaise, sans réaction, sans voix. Un crime pareil est impensable. Est-ce qu'ils me disent la vérité ? Je ne connais rien au problème juif, j'ai juste accepté de porter leur message à Londres. Je ne suis pas préparé à ça. Les nazis assassinent aussi des milliers de Polonais, de Russes, de Grecs, de Serbes. Peut-être cherchent-ils à m'impressionner ? J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Si je répète à Londres ce que je viens d'entendre, jamais on ne me croira. Août 1942, au crépuscule, dans une maison abandonnée d'un faubourg de Varsovie, Jan Karski a rejoint deux hommes pour une rencontre secrète. Il vient d'apprendre de leur bouche qu'1,850,000 juifs ont déjà été exécutés dans le cadre d'un plan nazi d'extermination totale des juifs d'Europe. La pièce est vide et nue, éclairée par une simple bougie. Les ombres dansent sur les murs. Karski est un résistant polonais d'une trentaine d'années, grand, mince, au visage aristocratique, fervent catholique. Il doit bientôt se rendre à Londres. Sa mission, rapporter les messages secrets de la résistance intérieure au gouvernement polonais en exil. Inquiet du sort fait aux Juifs, les résistants lui ont demandé de recueillir des informations auprès des représentants de la résistance juive. Il y a là Menachem Kirschenbaum, qui appartient au groupe des sionistes libéraux. L'autre, c'est Léon Feiner, un avocat représentant du Bund, l'Union Générale des Travailleurs Juifs, un parti de gauche laïque. Les trois hommes se sont retrouvés ici clandestinement. La moindre erreur peut leur coûter la vie. Vous, les Polonais, vous souffrez. Beaucoup d'entre vous meurent aussi. Mais la Pologne vivra. Après la guerre, les villes seront reconstruites. Les plaies se fermeront. De cet océan de larmes et d'humiliation, ce pays qui est le nôtre se relèvera. Nous, les Juifs, nous ne serons plus là. Aucun d'entre nous. Dans quelques jours, je serai à Londres. Et je... Mais pourquoi est-ce que je vous dis tout cela ? Bientôt, il n'y aura plus ni sionistes, ni bundistes. Il n'y aura plus de juifs. Personne de l'extérieur ne peut comprendre. Même moi, je ne comprends pas. Parle plus bas, Menachem. Excusez-moi. Monsieur Karski, nous avons besoin de vous. Le peuple juif vit des instants tragiques. Nous sommes seuls, isolés du monde, sans défense face aux nazis. L'aide ne peut venir que de l'extérieur. Les alliés peuvent les arrêter. Dès mon arrivée, je ferai mon rapport aux représentants des puissances alliées. Croyez-vous qu'on vous laissera parler à Churchill ? À Roosevelt ? Ma mission est officielle, j'approcherai au moins des membres de leur gouvernement. Les Allemands cherchent à faire des peuples conquis des esclaves. Mais nous, les Juifs, c'est notre extermination totale qu'ils veulent. À Londres, à New York, ils pensent que les Juifs exagèrent. Vous, ils vous croiront. Vous n'êtes pas Juif. Soufflez la bougie. Weiner, Dieu fasse que nous nous revoyons. Adieu, monsieur Karski. Nous n'avions pas l'intention de vous le dire, mais... Non, Menachem. Je veux lui dire, Weiner. Monsieur Karski, le ghetto de Varsovie, c'est certain, va mourir. Mais il mourra en combattant. Merci d'être venu. Feiner, avez-vous des preuves? Quelque chose, n'importe quoi, un chiffre? Le chiffre? C'est celui des déportations. Vous voulez dire? Tous les déportés ont été tués? Tous, jusqu'au dernier. Depuis le 22 juillet, les Allemands ont demandé au ghetto de leur livrer 5000 personnes par jour, soi-disant pour travailler, puis 6, 7, jusqu'à 10 000 par jour. Cela fait 300 000 en un mois et demi. Et les déportations continuent? 3 millions de juifs polonais sont condamnés, vous comprenez? 3 millions? Que proposez-vous? Des représailles. Dire au peuple allemand que la poursuite de leur atrocité entraînera la destruction de toute l'Allemagne. Mais personne ne vous suivra. Demandez aux alliés d'affréter des avions et des bateaux. Qu'ils évacuent les juifs d'Europe. Contre de l'argent s'il le faut. Enrichir l'ennemi? Échanger des juifs contre des prisonniers allemands? Vous savez bien qu'Hitler les renverra au combat. Ce n'est pas la stratégie des alliés. On ne peut pas considérer cette guerre d'un point de vue strictement stratégique. Mais la victoire sur Hitler sera militaire. Karski, les démocraties ne peuvent pas nous laisser mourir. Dites-leur que la terre est ébranlée dans ses fondements. Dites-leur qu'il faut. Le monde doit se réveiller. Je leur dirai, mon ami. Je dois m'en aller. Adieu. Donnez cette lettre à Ziegelbrunn. Après tout, il représente les juifs au gouvernement polonais de Londres. Je lui remettrai. Encore une chose. Menachem a dit en partant que le ghetto mourra en combattant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la déclaration de guerre la plus désespérée jamais faite. L'insurrection du ghetto de Varsovie, vous pensez? Il dit ça pour se donner du courage. Encore un instant. Je vous crois, mon ami. Mais je dois convaincre. Il me faut des éléments concrets, des preuves, vous comprenez? Vous ne nous croyez pas, n'est-ce pas, monsieur Karski? Alors, à Londres, ils ne vous croiront pas non plus. Il n'y a qu'une solution. Voir par vous-même, de vos yeux. Mais... il est impossible d'entrer ou de sortir du ghetto. Je sais comment faire. Si vous êtes prêt à risquer votre vie, monsieur Karski, je vous y emmène. Karski accepte. Quelques jours plus tard, au petit matin, Karski se faufile dans Varsovie jusqu'au quartier où se trouve le ghetto. Ayant été enfermés les Juifs de Varsovie, puis de toute la Pologne, rejoints par ceux d'Allemagne et d'Autriche. Jusqu'à 450 000 personnes y vivent, à 6 ou 7 dans une seule pièce. Du 22 juillet au 13 septembre 1942, les nazis déportent du ghetto 310 332 victimes vers le camp de Treblinka. Mi-septembre, il ne restera plus dans le ghetto que 50 000 personnes environ. L'approvisionnement se restreint. Le typhus se répand avec les poux et la famine. Karski ignore ce qu'il s'apprête à voir quand il arrive au lieu de rendez-vous avec Feiner, rue Muranowska. Une rue fermée par un mur de briques rouges qui marque la frontière entre la ville et le ghetto. Pour passer inaperçu, Karski porte des vêtements usés et une casquette rabattue sur son visage. Il a épinglé une étoile jaune sur sa poitrine. Feiner, où est-il? J'ai confiance en lui, le malheur rapproche les humains. Mais comment allons-nous entrer dans le ghetto? Il n'y a pas de passage dans le mur. La sentinelle va passer l'angle de la rue. Karski! Feiner? Vite! Par ici. Suivez-moi. Les caves passent au mur. Marchons en silence. Feiner, Menachem, il porte les souffrances, le désespoir d'un peuple, prêt à tout pour le sauver. Mes amis, penchez-vous, Karski. Si nous sommes pris, nous mourrons tous. Elle devient plus étroit. Si je survis, je témoignerai. Où sommes-nous? Et le monde saura la vérité. Regardez cette marque. Nous passons dans le ghetto. L'escalier est par là. Ce dédale de cave, c'est le Styx, le fleuve qui conduit du monde des vivants à celui des morts. Le ghetto, des rues étroites, pavées, des maisons écroulées, les bombardements de 39 sans doute, et ce silence, si ce n'est ces enfants qui jouent au ballon sur le trottoir, comme ils sont maigres, le visage vieilli par l'angoisse. Les Juifs là, ils ont de la chance. Ils travaillent à l'usine Teubens. Fabriquer les uniformes de la Wehrmacht. 15 000 ouvriers, 2 litres de soupe par jour. Ça les protège de la déportation. la machine économique nazie. Pourquoi cet homme est-il allongé nu dans la rue? Il ne se relèvera plus. Le typhus. Ici, quand un juif meurt, sa famille lui enlève ses vêtements et jette son corps dans la rue. Le tarif que les Allemands demandent pour l'enterrer est trop élevé. Ne traînons pas. Et les gens âgés? Il n'y en a plus. Treblinka, Belzec. Les Allemands, M. Karski, sont un peuple pratique. Les utiles et les inutiles. Ceux qui peuvent travailler et les autres. Les malades, les vieillards. Éliminés méthodiquement. À la fin, nous partirons tous. Vite! J'ai quelque chose à vous montrer. Hé, hey, attendez-moi, Fenn. Vous le direz au monde. Si on se sent vivant. Dépêchez-vous. Mettez-vous là, à côté de la fenêtre. Ne vous montrez pas. Vous voyez la rue? Regardez bien. Il va se passer quelque chose. Vous ne pourriez le croire si vous n'aviez vu vous-même. Ici, on appelle ça la chasse. Attendons un peu. La chasse? C'est quoi? Regardez par la fenêtre. Deux soldats des jeunesses hitlériennes, vous les voyez? Regardez ce qu'ils vont faire. Karski, malgré l'horreur de ce qu'il a vu, revient le surlendemain et parcourt pendant 3 heures les rues du ghetto. Il veut tout mémoriser. Léon Feiner lui propose de voir également le processus d'extermination mis en place par les nazis. Fin septembre 1942, Karski fait le voyage vers Lublin, à 170 km de Varsovie. De là, il se rend au village d'Izbica. Grâce au fonds de la résistance juive, Feiner a acheté les services d'un gardien du camp, un Ukrainien qui, contre une forte somme, a accepté de conduire Karski sur les lieux et de lui fournir un uniforme. À 9h du matin, ils partent du village à pied. Le camp d'Izbica est un vaste terre-plein attenant à une gare. Derrière une haute clôture de barbelés, les nazis enferment les juifs raflés dans une quinzaine de baraquements. Ils y restent 3 ou 4 jours, sans nourriture, avant d'être acheminés par le train à 15 km de là, jusqu'au camp de Belzec et ses chambres à gaz. Nous y serons dans 10 minutes. Karski et son guide prennent un chemin de terre qui longe la voie ferrée et conduit à l'entrée du camp. Attendez que je vous regarde. Ajustez votre cravate et suivez vos bottes. Les Allemands sont très stricts là-dessus. Surtout avec nous, les Ukrainiens. Ils vont nous inspecter en passant la porte. Qu'est-ce qui se passe là-bas, tous ces gens? Les gardes commencent à rassembler tout le monde. Le train doit pas être loin. Pressons-nous. Ah ça, les Juifs commencent à avoir chaud. Une nouvelle fournée. Et ils ont des chances de s'évader? Aucune. Une fois arrivés ici, les carottes sont cuites. Aucune chance? Ah, peut-être. Mais il faut une aide. De qui? D'un gardien. Un gardien comme moi, peut-être. Mais on risque gros. Une balle dans la tête directe si je me fais prendre. Bien sûr, si un juif paye honnêtement, on peut arriver à combiner quelque chose. Vous payez? Mais comment? Ils n'ont rien. Un juif de l'extérieur. Il me dit demain, il y aura dans le transport tel ou tel, et je m'en occupe. À une condition. Le fric allongé d'abord. Vous en avez sauvé beaucoup? Sauvé? Qui parle de les sauver? On fait des affaires. C'est pour ça que vous êtes ici, vous, là, hein, non? Mais oui, oui. Qu'est-ce que vous venez faire ici, exactement? Moi, je voudrais faire des affaires aussi. Surtout un conseil, n'essayez pas sans nous. Comment voulez-vous qu'il vous paye? Bah oui, par famille ou par tête? Qu'est-ce que vous me conseillez? Par tête. Si une personne tient vraiment à sortir quelqu'un d'ici, on peut lui pomper pas mal. Vous avez sûrement raison. Un peu que j'ai raison. C'est entendu? On fera moitié-moitié, n'essayez pas de me la faire. Mais vous êtes de Varsovie, vous? Pourquoi vous faites pas des affaires là-bas? Ça doit être facile avec le ghetto. Ah, vous entendez? C'est le train de Belzec qui revient à vide. Dépêchons-nous. On doit y être pour le chargement. Vous pensez que les Allemands vont gagner la guerre? Non, je pense pas. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Hitler est un démon, personne n'a la moindre chance de le vaincre. Le train entre en gare, embarquement. Vous allez voir. Vers 10h du matin, Karski assiste de loin à la montée dans le train de Belzec de 6000 déportés. Les gardiens hurlent et ne cessent de tirer en l'air pour empêcher toute résistance. Lorsque le train démarre en direction de Belzec, Karski, pris de nausée, reprend le chemin du village. Dans l'épicerie, il se lave à grande eau. Mais il sait que ce qu'il a vu ce jour-là, à Izbica, jamais ne s'effacera. « Le 4 novembre 1942, Karski quitte clandestinement Varsovie pour Berlin, emportant des microfilms dissimulés dans la tige d'une clé. Ils contiennent les documents que chaque membre du gouvernement clandestin veut faire parvenir à son groupe politique en exil. Un long périple de 21 jours à travers la Belgique, la France occupée, l'Espagne, pour atteindre enfin Gibraltar, où le 25 novembre, tard dans la nuit, il embarque à bord d'un bombardier américain. Direction Londres. 8 heures de vol. J'ai l'impression d'être libre. Le ghetto, le camp d'Izbica, Feiner, Menachem, tout cela semble si loin, si irréel. Ils comptent sur moi pour décider les alliés à l'action. Je dois trouver les mots justes, décrire tout ce que j'ai vu être précis. Cette cruauté, l'économie industrielle de la mort, rien ne doit paraître exagéré, sinon on ne me croira pas. Je suis un témoin oculaire de la politique allemande de l'extermination des Juifs. C'est comme ça que je vais me présenter pour leur dire. Mon Dieu, faites qu'ils me croient. En arrivant à Londres, le MI5, les services secrets britanniques, interroge Karski pendant 2 jours afin de s'assurer qu'il n'est pas un espion. Il est relâché après vérification auprès du général Sikorski, le chef du gouvernement polonais de Londres. Karski le rencontre le 27 novembre 1942. C'est un homme d'environ 60 ans aux manières policées. Ensemble, ils parlent longuement de l'organisation de la résistance polonaise. Tous les partis sont représentés à égalité au Parlement clandestin ? Oui, nous combattons pour une Pologne libre. Mais après-guerre, elle devra aussi être un État démocratique. La démocratie polonaise, Karski. Vous êtes le chef naturel de cette Pologne libérée, général. N'oubliez pas que le général Sikorski a 62 ans et qu'il est très fatigué. Pour l'instant, il faut maintenir l'unité des alliés et débarrasser le monde d'Hitler. Excusez-moi. Oui, allô ? Ah, Sophia. Oui, je te laisse te débrouiller avec ces Américains, oui. À tout à l'heure. Sophia, ma fille, elle commande l'unité féminine de l'armée polonaise en exil. 4000 femmes réparties en 3 corps, armée de terre, armée de l'air, marine. Elle est aviatrice, vous vous souvenez ? Elle s'est chargée d'organiser mon voyage à Washington prévu la semaine prochaine. Sans elle, je ne suis rien. Les femmes sont le chaînon vital de nos opérations. À Varsovie, elles sont tout agents de liaison, les plus exposés. Inévitablement prises, un jour ou l'autre. Je suis que vous-même avez échappé à la Gestapo. Au retour de ma première mission, il y a 2 ans. Ces cicatrices à vos poignets. La Gestapo vous a décoré à sa façon. J'ai tenté de mettre fin à mes jours, général. Je ne souhaite pas en parler. Mais je n'oublierai pas. Et les enfants de mes enfants n'oublieront pas. Je vois, vous êtes de ceux qui ne pardonnent pas. Allez maintenant, reposez-vous un peu. Vous êtes épuisé. Je n'aime pas ça. J'ai entendu dire que la Gestapo vous avait cassé les dents. Cela ne convient pas à un brillant officier. Ici à Londres, il y a de très bons dentistes. J'ai un autre message à vous faire parvenir. Oui ? De la part des représentants juifs du ghetto de Varsovie. J'ai vu de mes yeux ce qui s'y passe. La mort systématique. Je suis allé dans un camp aussi. J'ai vu ce qu'on pourrait appeler le train de la mort, général. Les nazis assassinent tout un peuple, un à un. Il faut convaincre les alliés d'intervenir au plus vite. Chaque jour compte. Sikorski, au nom du gouvernement en exil à Londres, a récemment déclaré que dans la Pologne libérée, les Juifs auront les mêmes droits que tout citoyen. Ce qui a déchaîné les insultes de la presse antisémite polonaise. Sikorski écoute avec attention Karski, qui lui décrit le ghetto de Varsovie et le camp d'Izbica. Vous en avez déjà parlé à quelqu'un ici ? Oui, dès mon arrivée, avec le chef des services secrets, Lord Selborne. Il a eu une réaction surprenante. Une rationalité typiquement anglaise, peut-être. Quand j'ai eu fini mon rapport sur la situation des Juifs, il m'a dit que ça lui rappelait la Première Guerre mondiale, quand la propagande alliée affirmait qu'en Belgique occupée, les Allemands écrasaient les mains des bébés contre les murs. Il m'a dit « Très bien, continuez d'en parler, vous contribuez à la cause des alliés. » Vous voulez dire que pour lui, ce que vous dites est faux, uniquement de la propagande contre les nazis ? Quel désastre. Karski, il faudra des preuves. Général, je l'ai vu. Je jure que je l'ai vu. Il faut engager des représailles. Karski. Les alliés ne peuvent intervenir militairement au nom des Juifs. Ce serait transformer la guerre des alliés, américains, français libres, britanniques, polonais, en guerre pour les Juifs. Et ça, ils ne le peuvent pas. On doit pouvoir faire quelque chose, général. Je suis le témoin oculaire de la politique d'extermination des Juifs. Faites rapidement un rapport écrit sur ce que vous avez vu. Je vais le transmettre à Roosevelt. Et voyez Jingelbaum, il est juif. Général, pour la Pologne, c'est la guerre. Pour les juifs, c'est la fin du monde. Je vous entends, Karski. C'est l'antisémitisme qu'il fallait combattre depuis le début. Vous savez que je l'ai toujours dénoncé. Allez voir Jingelbaum. Voici l'adresse de son ministère. Général. Ma mission est la plus difficile de toutes. Mettre des mots sur quelque chose qu'un esprit humain normal ne peut même pas concevoir. Selborn ne m'a pas cru. Sikorski, lui, m'écoute, mais a-t-il les moyens d'agir? Voyez Jingelbaum, il est juif. Mais ce n'est pas un problème juif. C'est une défaite pour l'humanité tout entière. Karski, les démocraties ne peuvent pas nous laisser mourir. Dites-leur que la Terre est ébranlée dans ses fondements. Le monde doit se réveiller. À Londres, du matin au soir, inlassablement, Karski témoigne, raconte ce qu'il a vu. À des écrivains, comme Wells ou Arthur Koestler, à des membres du gouvernement britannique, à des journalistes, il fournit des chiffres. Sur les presque 4 millions de juifs que comptait la Pologne et les 600 000 déportés des autres pays occupés par les nazis, très peu ont survécu. Malgré l'urgence chaque jour plus pressante, ses paroles semblent se perdre dans le flot d'informations qui arrivent des fronts du monde entier. La préoccupation majeure des Alliés concerne la capacité de résistance de l'armée rouge, engagée dans la bataille de Stalingrad depuis juillet 1942. Une défaite des Russes établirait la suprématie nazie. La priorité est donc militaire. Le 2 décembre 1942, Karski attend beaucoup de sa rencontre avec Samuel Jingelbaum. Délégué du Bund, il représente les socialistes juifs au gouvernement polonais à Londres. Depuis longtemps, il tente d'alerter sur les persécutions contre les juifs de son pays. En fin de journée, Karski arrive à Stratton House, près de Piccadilly, au ministère polonais de l'Intérieur, où Jingelbaum doit le recevoir. Jingelbaum est juif. Il va me croire. Il saura qui alerter. Léon Feiner lui fait confiance, il saura quoi faire. Vous êtes le lieutenant Karski? Écoutez, nous parlerons en marchant, je suis attendu ailleurs. Alors, vous vouliez me voir? Que voulez-vous savoir? Eh ben, tout ce qui concerne les juifs, mon cher, je suis juif. Léon Feiner m'a chargé de vous remettre une lettre. Les deux hommes entrent dans l'ascenseur. Jingelbaum décachette la lettre et commence à lire rapidement. En un instant, son visage se décompose. Monsieur Karski, vous êtes allé dans le ghetto? Deux fois. Dites-moi ce que vous avez vu. J'ai vu. Attendez, s'il vous plaît. J'ai vu un enfant mourir sous mes yeux. Des policiers battre une vieille femme à coups de matraque. Des femmes mourir de faim dans les décombres. Partout, la puanteur des cadavres, les cris déchirants des enfants, les yeux brillants de fièvre. Vous avez vu autre chose? Dites-moi ce que c'est, parlez! Le ghetto n'est pas un cimetière. Tous respirent encore, mais la peau qui les recouvre, leurs yeux, leurs voix, n'ont plus rien de vivant. Oui, monsieur Jingelbaum, j'ai vu autre chose. La chasse. La chasse? Que voulez-vous dire? Léon Feiner m'a entraîné au premier étage d'une maison dont on voyait très bien la rue. Tout le monde avait fui, j'ai pas tout de suite compris pourquoi. C'était à cause de deux soldats des jeunesses hitlériennes. À un moment, l'un d'eux a sorti son revolver, il a tourné la tête comme s'il cherchait quelque chose. Ses yeux se sont arrêtés sur un point, une cible. D'où j'étais, je ne pouvais pas voir ce qu'il visait. Bras tendu devant lui, il a tiré. Un homme est tombé dans un cri. Pendant que les deux soldats nazis se congratulaient en riant. Vous comprenez? Pour eux, c'est un jeu. Tuer chaque jour quelques juifs au hasard dans le ghetto. Ils le font tous les jours. Un jeu. Je l'ai vu. De mes yeux. Les juifs sont tous en train de mourir. Tous. Il n'y aura plus de juifs. Ils sont fous. Le monde est devenu fou. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde de fous? Chacun d'entre nous doit faire son devoir. Lieutenant Karski, ma femme et ma fille sont détenues dans le ghetto de Varsovie. Bonsoir, monsieur. En cette fin d'année 1942, le Times de Londres titre « La guerre des nazis contre les juifs, un plan délibéré d'extermination ». Le New York Times publie un éditorial affirmant que 5 millions de juifs sont menacés. le 17 décembre, dans une déclaration conjointe, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS dénoncent la solution finale. Mais comment agir ? Sikorsky demande à Churchill de bombarder l'Allemagne en représailles. Le premier ministre britannique y renonce après consultation de son état-major. Il faut s'en tenir aux objectifs militaires. Quelques jours après avoir entendu le témoignage de Karski, le 19 décembre, Ziegelbaum sollicite à son tour Churchill dans un télégramme. « Cher Premier ministre, la tempête sur la communauté juive en Pologne est dévastatrice et gagne en force tous les jours. Coup après coup, des centaines de milliers de juifs périssent. Il vous supplie de trouver le moyen de sauver ceux qui survivent. En tant que représentant de la malheureuse population juive de Pologne, je vous transmets, aussi bien qu'au président Roosevelt, leur dernier appel à l'aide. » L'année 1942 a été lourde d'échecs pour les Alliés. En 1943, ils reprennent l'initiative par des offensives aériennes sur l'Allemagne. Sur le front de l'Est, les Allemands capitulent en février devant l'armée rouge. La bataille de Stalingrad fait presque 2 millions de morts. Sur les murs du ghetto de Varsovie, oublié du monde, des mains placardent « Nous sommes prêts à mourir en êtres humains ». Le 19 avril, le ghetto se soulève, l'insurrection est écrasée dans le sang, les survivants des combats gazés, le quartier détruit. Juin 1943, Jan Karski embarque pour les États-Unis. Menachem l'avait annoncé. Le ghetto de Varsovie, c'est certain, va mourir. Mais il mourra en combattant. Ziegelbaum s'est suicidé. Dans sa dernière lettre, il accuse de complicité avec les nazis ceux qui restent passifs et permettent le crime. J'ai étudié les systèmes politiques, les méthodes de persécution et de conquête. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un peuple n'a été condamné à l'anéantissement. Je revois sans cesse les mêmes images. Izbika, la gare, les coups de feu, les juifs fous de terreur poussés dans le train à coups de crosse, les femmes hurlant, le cou brisé dans la cohue, des wagons ordinaires avec l'indication 6 chevaux ou 36 hommes. Ils y entassaient 130 personnes. Je les ai comptés. On ferme les portes, le train s'ébranle. Oui, se souvenir du moindre détail, ne jamais oublier. Les cris de souffrance dans les wagons. Le plancher avait été couvert de chaux vives, leurs pieds nus lentement brûlaient jusqu'aux os. Dans quelques jours, je serai en Amérique. Je parlerai, je témoignerai, encore et encore. À Washington, Jan Karski s'installe à l'ambassade de Pologne. Début 43, les journaux américains ont publié des témoignages sur l'extermination planifiée des Juifs à Treblinka, à Auschwitz. Le comité de guerre examine la possibilité d'évacuer les Juifs d'Europe. Mais il s'avère impossible de les acheminer à travers des zones de guerre. Le président Roosevelt a reçu le rapport de Karski, rédigé à la demande du général Sikorsky. Au début de l'été 43, il fait savoir qu'il est prêt à le rencontrer. Depuis leur entrée dans le conflit en 1941, les États-Unis sont sur tous les fronts, Atlantique, Pacifique, Méditerranée. La première mission de Karski est d'exposer la situation de la résistance polonaise pour lui assurer l'aide des Alliés. Quant au sort des Juifs, il sait que cette rencontre peut être décisive. Elle est prévue à la Maison-Blanche, aujourd'hui, 28 juillet 1943. Monsieur Karski, je sais qui vous êtes. J'ai été informé de votre haute contribution à la cause des Alliés. Je suis sûr que vous voudrez bien m'informer de ce qui se passe en Pologne. Monsieur le Président, vous êtes informé des agissements de l'Allemagne et de la Russie, du problème de la ligne Curzon qui partage la Pologne en deux. Nous craignons pour l'intégrité de la nation polonaise. Tout notre espoir, Monsieur le Président, est placé entre les mains de Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt interroge Karski sur la situation de la résistance. Il a une bonne connaissance de la Pologne. Il s'enquiert par exemple du système d'éducation des enfants mis en place par le gouvernement clandestin. Il demande à Karski comment il explique que la Pologne soit le seul pays dont le gouvernement n'ait pas accepté de collaborer avec les nazis. Il s'intéresse aussi aux techniques de sabotage et de diversion des résistants. Au bout d'une vingtaine de minutes, il s'apprête à prendre congé de Karski. Votre pays revivra prospère, plus prospère qu'avant. En récompense, la Pologne recevra les territoires de la Prusse de l'Est. Bien. Je ne vous raccompagne pas. Monsieur le Président, avant de quitter la Pologne, j'ai aussi été chargé d'une autre mission par les plus importants leaders juifs polonais. Ils m'ont fait entrer dans le ghetto. J'ai aussi vu un camp près de Belzec, B-E-L-Z-E-C. Sans une aide extérieure, les Juifs vont disparaître. C'est une question de vie ou de mort pour tout un peuple, Monsieur le Président. Les Alliés vont gagner la guerre. Justice sera faite. Les criminels seront punis. Quand vous retournerez en Pologne, dites à la résistance, à tous ses leaders, que mon pays ne vous abandonnera pas. Vous avez un ami, le président des États-Unis. Au lendemain de cet entretien, le président américain fait parvenir à Karski une liste contenant les noms d'un certain nombre de personnalités. Un secrétaire d'État, un rabbin, des évêques, des délégués de l'Église orthodoxe. Roosevelt invite Karski à se mettre en relation avec elle, ce qu'il fait. À cette époque, Jan Karski devient une personnalité publique aux États-Unis. Il ne peut retourner en Pologne et après-guerre, il deviendra citoyen américain. Ce 28 juillet 1943, quand il sort de la Maison-Blanche, il est bouleversé par tout ce qu'il vient de vivre. Il traverse l'avenue Pennsylvania jusqu'au square Lafayette, où il s'assoit sur un banc. Qu'a-t-il voulu dire ? Quand j'ai parlé de Belzec, il a fait un geste de la main. Il n'a pas posé de questions sur les Juifs. J'aurais dû insister, mais je n'avais aucune chance. Roosevelt est un leader mondial avec des préoccupations mondiales et un unique objectif, une victoire militaire rapide sur Hitler. Ce serait aussi le salut des survivants juifs. Mais à Varsovie, en ce moment même, Feiner, Menachem, mes amis sont-ils encore en vie ? Chaque jour, il est trop tard. Comme dans le ghetto, les enfants jouent au ballon. Comment penser l'impensable ? J'ai parlé, mais les mots ne sont que des mots. Ma mission était trop grande pour moi. Comment dire l'innommable ? Jan Karski, témoin de la Shoah, de Christine Spianti, avec Jan Karski, Zachary Laurent, Léon Feiner, Daniel Königsberg, Menachem Kirschenbaum, Philippe Bautier, le gardien ukrainien Julian Egerix, le général Sikorski, Olivier Broche, Samuel Ziegelbaum, Philippe Bautier, le président Roosevelt, Steven Chagov. Bruitage Elodie Fiat, prise de son montage et mixage Valérie Lavalard, Julien Douminc et Bastien Varigaud, assistante à la réalisation Laure-Hélène Planchet, réalisation Christophe Hoquet. Vous écoutez Autant d'emporte l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, on continue de parler de Jan Karski avec mon invité Annette Becker. C'est bien fait pour nous. Si nous manquons d'air, si nous devenons fous, jetons-nous des pierres, éclaboussons-nous. C'est pas moi qui sers autour de ton cou. C'est comme une vipère qui sort de son trou. Trop de laisser faire, trop de laisser. Autour de ton cou, tu la voulais fière, tu l'as mise à genoux. Trop de somnifères, trop des ventres mous. C'est pas moi qui sers autour de ton cou. C'est pas moi qui sers autour de ton cou. C'est comme une vipère qui sort de son trou. C'est lui de ses galères, c'est tous ces écrous. C'est pas moi qui sers autour de ton cou. C'est pas désordre sans trou, trop de laisser faire, trop de laisser nous. De son trou, ses luttes, ses galères, ses tous ses écrous, c'est pas moi qui sais. Stéphane Echer, Autour de ton cou sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, est réalisé par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Stéphane Boja. Annette Becker, on a quitté donc Jan Karski le 26 juin 1943, après cette entrevue un peu étrange avec Roosevelt, peut-être un peu décevante sûrement pour lui. Il se dirige vers ce square et qu'est-ce qu'il peut ressentir à ce moment-là? Que sa mission était trop grande pour lui? Sa mission était trop grande pour lui et sa mission était trop grande pour le monde en guerre, je dirais. C'est beaucoup pour un homme, sur les épaules d'un homme. C'est énorme pour lui, mais c'est gigantesque pour le monde en guerre, parce que ce que lui dit Roosevelt est à peu près sensé, et même totalement sensé. Jeune homme, nous gagnerons cette guerre. Et ensuite, on s'occupera, si je peux le dire ainsi, en France, du point de détail. Alors que c'est exactement le contraire pour Karski. Karski a découvert que l'extermination d'un peuple et l'extermination du peuple juif, qui est en train de continuer au moment où il est à Washington, et ça fait déjà un an qu'il a quitté la Pologne, eh bien, pour lui, c'est devenu central. Et il faut absolument arrêter ce génocide. Alors que pour tous ses interlocuteurs, y compris aux États-Unis en particulier, ses interlocuteurs juifs, eh bien, il faut d'abord gagner la guerre et on s'occupera ensuite du problème juif. Oui. Le problème, c'est qu'il a bien compris ce qui est la réalité. C'est qu'il n'y aura plus de juifs à sauver, que ça sera trop tard. Et donc, on est là dans une véritable tragédie. Pour lui, il faut sauver les juifs parce que le peuple va disparaître. Et pour les autres, il faut gagner la guerre et accessoirement, cela permettra de sauver les Juifs. Est-ce qu'on peut émettre une hypothèse, je ne sais pas, que Jan Karski était peut-être trop sage, trop poli, il dit qu'il répète comme une machine ce qu'il a vu, peut-être qu'il aurait été, s'il avait été plus véhément, s'il avait peut-être fait des campagnes de presse plus réussies, en tout cas à mobiliser plus de monde, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose, à votre avis, Annette Becker? Eh bien, il n'était pas tout seul, il y avait des campagnes de presse. En particulier en Angleterre, des campagnes énormes. Il y en avait aussi aux États-Unis, dans le Washington Post, dans le New York Times. Oui, dans le Times de Londres aussi. On en parlait en temps réel de cette extermination. Donc il n'était pas si seul que cela. Et pas le premier à l'avoir dit. Et pas le premier. Sa solitude, c'est d'avoir vu. Tous les autres lisaient des rapports et où on leur racontait toutes ces atrocités, toutes ces cruautés et l'extermination. Alors que lui, il l'avait vu en action. Il l'a vu en action et il a pu atteindre Roosevelt, quand même l'homme le plus puissant de la planète. Bien sûr, grâce à un courage extraordinaire, parce qu'il faut voir tout ce qu'il a dû affronter pour arriver jusqu'à Roosevelt. Et il est là, il peut dire, il est un témoin oculaire, comme il le dit, mais de l'autre côté, il a la machine de guerre qui sait, mais qui continue ses opérations militaires. Et c'est vrai que d'un point de vue militaire strict, en 1943, il est quasi impossible encore d'atteindre les lieux où se passe l'extermination. Et d'ailleurs, c'est même pas cela qu'il demande. Ce qu'il demande, c'est qu'on prenne conscience de la spécificité de l'extermination. Et il pense qu'il a échoué, parce qu'il pense que quand Roosevelt lui dit « on va gagner la guerre », finalement, il n'a pas pris cette conscience. C'est limité. Et c'est pour cela que son alter ego, je peux dire, Lemkin, Raphaël Lemkin, qui au même moment est en train d'inventer le mot génocide. Au même moment, il envoie lui aussi des messages à Roosevelt. Il n'arrive pas à le rencontrer, mais il lui envoie des messages. Il lui dit exactement la même chose. Il est extrêmement déçu que Roosevelt lui dise « Nous y travaillons, nous allons gagner la guerre ». Que ses collègues du département d'État lui disent la même chose. Et du coup, c'est là qu'il a une formule terrible. Il dit « Mais puisque vous laissez faire l'extermination, eh bien, n'êtes-vous pas un petit peu complice de Hitler ?» Et quand on le lit aujourd'hui, c'est intolérable. Les Américains ne sont pas les complices des nazis qu'ils sont en train de combattre. Les Anglais non plus, oui. Mais si on se met dans la tête de Lemkin ou de Karski, ou de Ziegelbaum, c'est ce qu'il de dit. Ziegelbaum. Il se suicide et il laisse une lettre disant, accusant ceux qui n'agissent pas d'être complices avec Hitler. Absolument. Eux, on dit et on ne leur répond pas sur ce problème. Et vous voyez qu'ils sont à deux niveaux différents. Les uns veulent arrêter ce qu'on appellera par la suite un génocide. Les autres veulent arrêter l'occupation de l'Europe. Et ils mettent au même niveau, d'ailleurs, la guerre contre les Japonais, la guerre dans le Pacifique, qui est absolument épouvantable pour les Américains à ce moment-là, et la guerre en Europe. Or, dans le Pacifique, il n'y a pas de génocide. Et on voit bien la différence. Des deux côtés, il y a des crimes de guerre épouvantables. Mais seulement en Europe, seulement par la volonté des nazis, il y a cette extermination des Juifs. Je vous propose d'écouter Jan Karski sur cette question de la responsabilité, de la manière dont on pouvait penser cette extermination des Juifs en 1942. Le voici donc interviewé par Claude Lanzmann en 1978. Is there any comparison between what happened to the European Jews during the Second World War? Peut-on comparer ce qui est arrivé aux Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale? Peut-on le comparer avec quelque autre événement que ce soit dans l'histoire du passé? C'était un problème historiquement sans précédent. Les humains sains et rationnels, qui n'avaient pas vu cela de leurs propres yeux, qui n'étaient pas sur place, n'avaient dans leur esprit rien à quoi ils puissent comparer ces informations. Évidemment, en moi-même, je sais que c'était vrai, mais je ne peux pas l'assumer. Ce que j'ai vu, l'extermination des Juifs, m'est incompréhensible. C'est étonnant, cette parole de Jan Karski, donc un extrait du documentaire de Claude Lanzmann, le rapport Karski diffusé sur Arte, c'était en 2010. Même lui qui l'a vu, il dit que c'était impossible à l'époque d'y croire, il en est conscient, et que même a posteriori, il dit que c'est inimaginable, même s'il bien sait sûr que ça existait. Bien sûr, puisqu'il l'a vu. C'est bien pour ça que vous avez appelé votre documentaire l'innommable. Oui, d'après votre livre. D'après mon livre. Mais si j'ai choisi cet innommable, je l'ai choisi à cause de Beckett, bien sûr. Samuel Beckett, le texte de Beckett, l'innommable, dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer. Et tout ce livre me semblait tellement, tellement proche de ce désespoir de Karski. Parce que l'innommable, c'est ce qui est le plus épouvantable, atroce, à tel point qu'on ne peut pas lui donner un oui, nom. Mais en même temps, des hommes politiques de l'envergure de Roosevelt, de Churchill, ils connaissaient Hitler, on avait lu Mein Kampf, on savait quand même des choses sur la politique antisémite de Hitler, qu'il voulait les tuer tous. Enfin, c'est quand même des gens qui auraient dû avoir une vision plus grande, enfin avoir une vision plus C'est bien ça que j'appelle la tragédie de Karski. C'est que il fait confiance à ceux qui font la guerre à Hitler pour penser différemment. Or, ils pensent à l'ancienne. Et d'une certaine façon, ils font la revanche contre l'Allemagne. Et c'est complètement stupide parce que ce n'est pas l'Allemagne de la Première Guerre mondiale. Oui. C'est bien quelque chose de différent. Quand il dit qu'il rencontre Lord Selborne, oui, c'est quand même incroyable. Lord Selborne, qui a lui-même fait la Première Guerre mondiale, qui connaît tout ça, et qui lui dit « Jeune homme, vous êtes formidable. Vous nous inventez cette extermination. » Quelle bonne idée. Vraiment, nous, pendant pendant la Première Guerre mondiale, on n'a pas osé aller si loin. Mais là où ça ne va pas, c'est qu'il y avait eu assez de rapports, il y avait eu assez de témoignages pour qu'on sache que c'était la vérité. Et la contradiction... Quand vous dites que ça ne va pas, ça veut dire qu'il y a malgré tout l'idée d'une négligence. Absolument. J'en suis absolument convaincue. Je ne suis pas la seule historienne, d'ailleurs. J'ai une longue file d'historiennes, d'historiens qui parlent de cela. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? On ne veut pas voir. Quoi. On ne veut pas voir. Plus exactement, on voit, mais on ne veut pas mettre le doigt dessus comme cible principale. Alors, on peut dire pour Roosevelt, il ne veut pas être le président des Juifs. Bien sûr, l'antisémitisme est très fort dans tous les pays, y compris dans ceux qui se battent contre le nazisme, bien entendu. Ça peut être une raison. Et je crois que l'on cache un petit peu, derrière des raisons militaires, stratégiques, voire tactiques, on cache le fait que, finalement, que les Juifs d'Europe soient assassinés, c'est bien triste, mais que finalement, c'est pas leur problème. Et cela, c'est une conclusion qu'avait comprise Karski, et quand on la comprend aujourd'hui, elle est toujours aussi dramatique. Que va-t-il devenir, Jan Karski, après la guerre? Il est obligé de rester aux États-Unis, puisque son pays, contrairement à la promesse qu'avait donnée Roosevelt, sera abandonné aux Soviétiques. Oui, il a une deuxième raison d'en vouloir à Roosevelt et aux Américains, c'est que, pour des raisons, de nouveau, de politique générale, eh bien, on accepte de s'entendre avec les Soviétiques sur le dos de la Pologne, bien sûr. Et comme Karski est très anticommuniste, il ne veut pas retourner, il ne peut pas retourner. En plus, il devient apatride. Oui, il n'a plus. Il n'aura la nationalité américaine qu'en 54. Assez tard, pour la bonne raison qu'il est rentré sous un faux nom aux États-Unis. Il s'appelle Jan Kosolewski. C'est son vrai nom. Mais il est rentré sous son nom de résistant, bien sûr. Et du coup, on ne peut pas lui donner ses papiers. Et on ne retrouvera Karski que quand il sera retrouvé par Elie Wiesel d'abord, puis par Lanzmann. Et on peut dire que c'est le Shoah de Lanzmann qui a redonné vie à Karski comme homme, comme personnage. Et aussi, je crois qu'il est devenu un type dans l'histoire de ces personnalités qui voient avant les autres et qui, pour cela, sont désespérées. Merci beaucoup Annette Becker. Je conseille vivement la lecture de votre livre « Messager du désastre, Raphaël Lemkin, Jan Karski et les génocides » qui est édité chez Fayard. À lire également, bien sûr, « Mon témoignage devant le monde » de Jan Karski chez Point Seuil. Le documentaire de Claude Lanzmann, « Le rapport Karski » a été diffusé sur Arte en mars 2010. C'est la fin d'Autant n'importe l'histoire, cette émission en nouvelle diffusion. Vous pouvez la réécouter, la podcaster sur notre site franceinter.fr où, comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, 8 mai, nous parlerons d'un autre personnage fascinant, Jean-François Champollion. Ce petit-fils de colporteur et héritier du siècle des Lumières s'est pris de passion dès l'enfance pour l'Égypte. En 1824, après un travail acharné, il réussit à déchiffrer les hiéroglyphes, cette écriture qui, depuis 13 siècles, était tombée dans l'oubli. Jean-François Champollion et le mystère des hiéroglyphes, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.